Bonjour à tous et à toutes, c'est Aurélien et cette semaine on se retrouve pour un nouveau coup de cœur. Et la semaine dernière, je vous avais annoncé que je vous parlerais de Vigilante. Bon, je vais pas tenir ma promesse parce que j'ai trouvé encore mieux. Je vais vous parler d'Oda et Dako. Donc vous allez me dire, oh, c'est qui les deux là? Bon, Oda et Dako, de leur vrai nom Dao et Samir, de base c'est juste deux potes d'enfance comme ça. Au lycée, ils se sont rencontrés, ils ont suivi un parcours que je qualifierais de classique, car ils ont suivi une formation commerciale pour ensuite travailler dans une société informatique. Donc au départ, à côté de ça, en fait, ils faisaient des petites impros de type humoristique. En fait, le public leur donnait une dizaine de mots, et eux, ils faisaient une impro sur ça, quoi. Donc il fallait un certain vocabulaire, donc eux, ils l'avaient, puis voilà. C'est des petites impros. Et tout va bien jusqu'au jour où il rencontre Nawel Madani, qui leur a proposé de partir en tournée avec elle. Cette dame est bien évidemment un humoriste. Donc là commence la grande aventure pour eux. Et comme vous l'aurez deviné, par la suite, Oda et Dako sont devenus plombiers. Bon, non, d'accord, c'était pas drôle ma blague, j'ai tenté un truc. Non, en fait, ils sont juste devenus humoristes, hein, comme on aurait pu le deviner. Et des très bons humoristes d'ailleurs. Et ils ont une chaîne, YouTube, ils ont un Instagram. Personnellement, j'ai dû voir tous leurs sketchs sur YouTube au moins 3 bons fois, on va dire. Et sur YouTube, il y a un truc qu'ils font qui est pas trop mal, c'est quand même plusieurs fois par mois. Ils font une petite émission où en fait ils prennent quelque chose, genre. Je me rappelle, j'avais vu Harry Potter, Star Wars, il y avait. Michael Jackson, enfin tout des choses comme ça, tout plein de trucs, et il les certifiait classique ou pas. Donc pendant 5 minutes, il dit bon, c'est des petits trucs drôles. C'est un petit peu leur terrain de jeu, si vous voulez. Ils s'amusent sur cette petite émission. Voilà. À côté de ça, ils font pas mal de spectacles. Ils font des spectacles. Ils ont été à la Cigale, là, je sais, il y a pas longtemps. Ils ont tourné dans des festivals là au Canada. Il y a à l'automne, si je me rappelle bien. Enfin, ils font tout plein de choses comme ça qui leur permettent de se faire un peu plus connaître, on va dire, même si leur chaîne YouTube comporte plus de 100 000 abonnés, si je dis pas trop de bêtises. Et pour accentuer mes propos, je vais vous passer, non pas une, mais deux petits sketchs d'eux, donc de 1 minute et 2 minutes respectivement. Donc, le premier s'appelle Les ados d'aujourd'hui, et le second s'appelle Les influenceurs. J'ai eu du mal à les choisir parce que tous leurs sketchs sont géniaux. Entre les sketchs qui sont vraiment drôles, les sketchs qui parlent des trucs vraiment récents, les sketchs où il y a un fond de pensée vraiment fort comme les héritages avec Johnny Hallyday, ils varient. Et finalement, j'ai choisi un petit peu les sketchs qui pourraient me heurter le plus, mais dans le sens où, vu que je suis un ado, les ados d'aujourd'hui et les influenceurs, dans les deux cas, ça parle un petit peu des jeunes de mon époque, on va dire. Donc voilà. Donc je vous laisse avec les deux sketchs. Et quand il y aura une petite musique, ça voudra signifier la fin du premier et le début du deuxième. Voilà. Mon peur à moi, c'est de faire des enfants. Je sais pas comment je vais les élever. La semaine dernière, on a gardé mon neveu de 15 ans. L'enfer. Bon, c'est un ado typique, hein, sur sa peau. Beaucoup de stars. Sur ses dents. Beaucoup de bagues. Sur sa tête. Beaucoup de gel. Dans sa tête. Beaucoup de vide. Pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Ah si. Un truc. Branlette. Branlette. Branlette. Branlette. Branlette. Branlette. Branlette. Branlette. Manger. Branlette. Branlette. Et comment tu punis un ado aujourd'hui? Ça c'est clair. À l'époque c'était simple. T'es consigné dans ta chambre. T'as vu ce qu'il y a dans leur chambre aujourd'hui? Un ordi. La PlayStation. Un iPad. Netflix. Même moi je vais y aller dans sa chambre. Et le pire c'est qu'ils ont tout à disposition. Mais ils font quand même des mauvais choix. Avec YouTube t'as des millions de chansons. Mais t'écoutes du Black M. T'as des centaines de chaînes à la télé. Mais tu regardes les ch'tis à Miami. Facebook, Tinder, t'as des millions de meufs et toi tu sors avec une petite grosse. À nous notre époque les meufs avec qui on sortait. Mauvais exemple. Hein? Et encore, c'est un garçon. Imagine si c'est une fille. Parce qu'on a tous des grands discours. Eh, moi, mes enfants, je vais les élever pareil. Ouais, c'est ça, ton fils, il vient de voir. Papa, je suis plus vierge. Il est là, mon fiston. Ta fille, elle vient de voir. Papa, je suis plus vierge. Il est où, ce fils de pute? C'est normal, on voudra la protéger quand elle va dire. Il y a 200 likes sur ma photo. Toi, tu vas entendre. Il y a 200 crevards qui veulent me pécho. Mon neveu, il a 15 ans, mais il n'y a plus rien qui l'alerte. Hein. Ouais, général 6,5. Il est serein. Il n'y a aucune meuf qui veut de lui. Il est serein. Il lui reste 1% de batterie. Il est pas bien. Compliqué. Là, c'est chaud. Tu m'étonnes qu'il a plus de batterie toute la journée sur son téléphone comme un débile, il est sur Instagram. Et en plus, ça le touche. Je vois, dans sa chambre, il est pas bien, le gars. Qu'est-ce que t'as? C'est ma meuf. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta meuf? Elle a posté une photo de son cul sur Instagram. T'es dégoûté parce que tout le monde a vu son cul? Non, je suis dégoûté parce qu'elle a fait que 100 likes. Ça veut dire quoi? Son cul, il éclate? C'est n'importe quoi. Vous vous rendez compte de la génération de débiles qu'on est en train de créer, là? Parce que les gamins, ils sont influençables, ok? Et ça, les marques, elles l'ont bien compris. C'est pour ça qu'il y a un nouveau métier qui s'est créé qui s'appelle influenceur. Est-ce que vous connaissez les influenceurs? Bon, un influenceur, généralement, c'est un mec dont le seul fait d'armes, c'est qu'il a fait une émission de télé-réalité. Alors, c'est ce que vous voulez, hein. Secret Story, Le Bachelor, Les Marseillais versus La Conjugaison, ce que vous voulez. Et donc, il y a une petite communauté de gamins qui le suivent, et toute la journée, sur Instagram, il fait des posts publicitaires pour leur vendre des produits tout pourris. Donc, en général, il y a deux types de produits, hein. Il y a les bonbons et les produits pour se faire blanchir les dents. Donc, tu t'es bien niqué les dents avec les bonbons, ça tombe bien, j'ai du produit pour les faire blanchir. Vente, service après-vente. Il se fait la passe D tout seul, le gars. Problème, solution, ça va être quoi bientôt? Ça va être, il va vendre le Big Mac et la crème amincissante, le livre de Zemmour et le sac pour vomir? C'est quoi le projet? On peut pas tout faire, ok? Il faut être cohérent. C'est comme si toi, tu veux prendre la paix, les droits de l'homme, et puis que derrière, tu vends des armes aux pays en guerre. Tu peux pas faire ça, tu vois. C'est pas normal. On fait ça. On fait ça? On fait. Ah, Macron, influenceur. Influenceur arme. Influenceur garde. Parce qu'il y a des influenceurs pour tout maintenant. Influenceur mode, cuisine, bricolage. Bientôt, ça va être quoi? Les flics qui vont arriver en bas de chez toi? Bonjour, monsieur. Contrôle de police. Ouais. C'est du shit, ça? Ouais. Vous êtes un dealer? Ah non, moi, je suis influenceur drogue. D'accord. Je fais un tuto bédo, là. D'accord, excusez-moi. Autant pour moi. Bonne journée. Bonne journée, fils de pute. Pardon? Non, parce que je suis influenceur insulte aussi, c'est pour ça. Et bien, tout est en règle. Tout est en règle. Alors, petit message. Petit message pour les influenceurs. Arrêtez de mettre de la merde dans la tête de nos gamins, s'il et vous plaît. S'il pouvait y avoir un peu plus d'influenceurs faire ses devoirs. Ou de tuto avoir son bac. Ça nous arrangerait. Merci pour eux. Et voilà, toujours aussi drôle, Daco. Donc, c'est tout pour Oda, c'est tout pour Daco, et bah c'est tout pour moi. Donc, je vais vous rappeler une dernière fois, Oda et Daco, humoristes. Ils ont une chaîne YouTube, un compte Instagram, Twitter, Facebook, le tout à total. Vous pouvez aller les follow, les voir, tous leurs sketchs, la plupart sont sur YouTube. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à toutes, en compagnie de Radio Gamezo, et on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouveau coup de cœur, même heure.